d'or et platine, écoute mon son, je t'emmène. Sur Beta Zix, je rentre en boîte, je t'emmerde. T'es comme le rosé, toi tu m'as pris en traite. Je suis le capitaine, je tire les pénaux, les corners. J'sais pas ce qui me retient de mettre des gifles au Homer. Y'a même pas un stade dans mon quartier, j'en veux Homer. J'cache mes yeux, ma bouche, mes oreilles, ouais j'connais l'Homer. Arrêtez de parler de moi, un peu le camp de vos mères. J'fume le shit et la chicha, j'vois qu'il y a plein de gâtis. J'allais en boîte en Twingo, j'étais loin du Maserati. Pourquoi tu me fais le gros, j'te le répète, moi j'suis pas le king. NX sa mère, on fait bagarre sur le parking. J't'ai chauffé, j't'ai en boucane. Excuse le sang, j'suis trop bucol. Bouge ton boule là, j'veux pas l'gol. Bouge tes hanches dans ce col. J't'ai chauffé, j't'ai en boucane. Excuse le sang, j'suis trop bucol. Tu me fais, j'vais pas te courir derrière. J'en garde ta tête et ça ton derrière. Ouais, qu'est-ce que tu fais, fais gaffe avec ton verre. Tu vas me chauffer là, son grand-père. Si un jour j'la crois, j'vais faire le signe de la Rihanna. Cours plus, j'fais plus de sport à part quand ça crie à rat. Allez le sang, allez on y. Allez le sang, allez on y. Allez.